Allez, cette fois, on tape dans le dur de la programmation 100% française dans Hellbanger. Une autre formation locale, Verbal Risers, le groupe de Trash Crossover, qui sort également son troisième album studio, By Thunder and Lightning, autre formation tourangelle donc pour l'émission d'aujourd'hui. Verbal Risers, nouvel album sur le label Deadlight Entertainment. Et puis on est sur une autre trilogie, puisque juste derrière, Regarde les Hommes Tomber, le groupe de post-black Apocalyptic Sludge sort son troisième album studio également, intitulé Ascension. Ce nouvel album studio déjà dispo via Season of Mist. On va s'écouter le morceau Au bord du gouffre, un texte intégralement chanté en français. Il fait presque 9 minutes, il est extrêmement riche. C'est le titre de clôture de l'album d'ailleurs, ce nouvel album de Regarde les Hommes Tombés. Verbal Risers, donc juste avant Regarde les Hommes Tombés, ce sera avec le morceau The House. C'est parti. Thank you. On continue tranquillement dans l'aspect française avec presque un autre triptyque. Hein. On peut dire que le chiffre 3, c'est ce qui rythme l'aspect française d'aujourd'hui. Puisque Meurtrière, bon, c'est pas leur troisième sortie d'album, mais là on va s'écouter donc une doublette Meurtrière Glaciation. Et avec Regarde les hommes tombés juste avant, on est sur trois formations françaises, trois styles différents, dont les textes sont en français. On pourrait même rajouter E4 qu'on a écouté un petit peu plus tôt. Voilà, Meurtrière, tout premier EP du heavy hard rock français, avec une vocaliste. Voilà, Meurtrière, ça fait parfaitement le job. Leur premier EP est un EP éponyme. Et juste derrière, donc, Glaciation, le groupe de black metal emmené par Monsieur Redmar. Troisième album pour Glaciation, intitulé Ultime Éclat. Ce nouvel effort studio pour Glaciation sort chez Osmose Productions. La Déferlante, c'est le titre de Meurtrière qu'on va s'écouter, et juste après ça, Ultime Éclat, le titre de l'album pour Glaciation. Oh, We'll be right back. misère de l'étoile, dessous le regard des rois anciens. Ne reste que le désert de l'étoile, dessous le regard des rois anciens. La matière noire de l'Ial, les médias d'Italiciens. Et on va tranquillement et pas du tout intelligemment clôturer l'aspect française avec tout d'abord les Marseillais de Horn, de l'excellent groupe de Blacknet Beatdown. Après quelques mésaventures, notamment au niveau du line-up, ils accouchent enfin d'un monstrueux deuxième album studio. Ce nouvel album s'intitule Éminence. Il se voit gratifié en plus d'une superbe sortie sur le label Rising Nemesis Records. Ce nouvel effort de Horn est déjà disponible. A noter pour la petite anecdote un magnifique visuel signé Dan Seagrave, c'est pas rien. Voilà, Horn nous fait toujours donc du hardcore beatdown rehaussé d'ambiance malfaisante et blasphématoire propre au black metal. C'est mortellement efficace ce que nous propose Horn. Et juste derrière, les Belges de Klisma qui nous font du brutal slam death. Ils sortent leur nouvel album via Relatified Records. C'est le deuxième album studio pour Klisma, il s'intitule sobrement Mental. On va donc s'écouter le morceau Furnace de Horn et juste derrière Mental Slavery pour Klisma. Tu me suis. On approche tranquillement de la fin de l'émission. Vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6 et également bien sûr écoutable à n'importe quel moment via la mise en ligne sur notre petit blog. On passe maintenant à Ambush, groupe suédois qui nous fait du revival heavy metal. Ils sortent leur troisième album studio intitulé Infidel. Ce nouvel effort studio de Ambush est déjà disponible. Et juste derrière, les grosses brutasses venues de Turquie, Decaying Purity, le groupe de Death Brutal Death, sort son quatrième album studio Mass Extinction of the Providential Ones. Rappelez-vous, on l'a diffusé la semaine dernière. C'est ce groupe qui aime bien les titres de morceaux un peu casse-mâchoire. Quoique aujourd'hui, ça se détend un petit peu. La doublette donc Ambush avec le titre Leave Them to Die et juste derrière Decaying Purity, The Depth of Mass Graves. C'est parti. C'est pas une doublette parce que le morceau suivant fait 10 bonnes minutes. Pure Vras, One Man Band qui nous vient d'Indonésie. Atmosphérique black metal d'un type très présent sur la scène indonésienne. Pure Vras, c'est le non pas nouvel album, nouvelle EP, The Forlorn Soldier. Ce nouvel effort studio est déjà disponible et il faut le noter sur le label DB Murmorty Productions, c'est pas rien. On va donc s'écouter tout de suite le titre seul, Children of the Homeland. C'est parti, Pure Vras. Voilà, on arrive à la fin de cette nouvelle émission Hellbanger, toujours sur le 93.6 sur Radio Béton. Deuxième émission enregistrée en mode confinement. On va terminer de manière bien brutale et bien extrême, dans deux styles cependant bien différents, avec tout d'abord nos voisins belges de Pestifère, le groupe de Technical Brutal Death qui sort son troisième album studio, Expanding Oblivion. Ce nouvel album studio voit le jour sur le label français Xenocorp Records. Et juste derrière, un autre one man band qui ne nous vient pas d'Indonésie, mais cette fois du Chili, Sign of Evil. C'est ultra rao, il y a une intention vraiment pure dans la musique de Sign of Evil, sortie du premier EP, Psychedelic Horror. Voilà, Pestifer, troisième album, Expanding Oblivion. On va s'écouter tout de suite l'extrait Omniscient. Et on va se quitter ensuite avec le titre de Sign of Evil, Death Crew. A très bientôt, bonne fin de soirée et à plus, ciao ciao.